إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 12 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec l'explication du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah. Et on est arrivé donc au cours numéro 12, comme j'ai dit, et on commence aujourd'hui dans le livre lui-même, Al-Usul al-Thalatha, parce qu'on était jusqu'à maintenant dans les introductions, hein, et on a terminé les trois premières introductions de Al-Usul al-Thalatha, et donc là on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les trois fondements. Et il commence le cheikh ici justement, il dit قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc il dit رحمه الله, et si on te demande ou si on te dit quels sont les trois fondements qui sont obligatoires à l'homme de connaître, alors dit, hein, en réponse à cette question, c'est de connaître, c'est que le serviteur connaisse qui est son Seigneur, hein, et quelle est sa religion, et de connaître son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça sur le thalatha. Hein? C'est ça les trois fondements. Maintenant, Cheikh Ubayd, il explique ce passage. Il dit Al-usul jam'u aslin, wa huwa fil lugha ma yubna alayhi ghayruhu. Ma yubna alayhi ghayruhu wa yatawalladu minhu. Kal-asas, aslul bina, wal-jiz'u, aslul shajara. Qala ta'ala, asluha thabitun wa far'uha fis sama', fa asluha jaz'uha. Donc le cheikh explique que la signification du mot usul en arabe, c'est la base, hein, ce sur quoi tu bâtis le reste, ce sur quoi tu bâtis le reste, et yani, ce de quoi découle quelque chose. Donc c'est la base, la fondation, et on peut le comparer par rapport à un arbre, yani, au tronc. C'est comme le tronc de l'arbre. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Asluha thabit. Les racines et le tronc, hein, c'est une base qui est ferme. Wa far'uha fis sama', ses branches sont élevées dans le ciel. Donc c'est ça l'exemple de la base de l'arbre, c'est les racines et le tronc. Et il dit wa fi istilah al-aqida. Yani usul al-din wa qawa'iduhu وأسسه التي يبنى عليها. Donc dans la terminologie des ulama, lorsqu'ils utilisent le terme usul, c'est pour désigner la croyance, c'est pour désigner la foi, les fondements de la religion et les règles de la religion et les fondements de la religion. D'accord? Donc c'est ça que qu'on désigne comme étant les usul, les fondements. Et c'est ce sur quoi le reste de la religion est bâti. D'accord ? Et le cheikh il dit ensuite وهذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهي مسائل يعني وهي مسائل القبر الثلاث فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله أتاه الملكان فأقعداه وسألاه هذه الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك فإن كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كان غير ذلك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc le cheikh il explique que ces trois bases, ces trois fondements, la connaissance d'Allah, de sa religion et de son messager, ce sont trois fondements qui sont établis par le Coran et par la Sunna, et selon le consensus des musulmans. Et c'est la connaissance du serviteur, de son seigneur, de sa religion et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les trois questions qu'on sera posé ou qui nous seront posées dans la tombe. Donc le mort, lorsqu'il est déposé dans sa tombe et que sa famille retourne d'où ils viennent, ils retournent à leur maison après avoir fini de creuser, de mettre le corps dans la tombe et d'avoir recouvert la tombe de terre, ils retournent à la maison. Donc à ce moment-là, il y a deux anges qui viennent dans la tombe et qui le font asseoir. Ils font le mort s'asseoir dans sa tombe et ils lui posent les questions suivantes. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et donc, si la personne en question est croyante, elle répondra en disant, mon Seigneur est Allah. Et il va répondre en disant, ma religion, c'est l'islam. Et il va répondre en disant, troisièmement, que mon prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que si c'était quelqu'un qui était autre qu'un croyant, eh bien, il ne saura pas quoi répondre, et il va dire, ha, la adri. C'est-à-dire, il va dire, je sais pas. Je sais pas. Il va dire, j'ai entendu des gens qui disaient quelque chose et moi je l'ai dit aussi. En voulant dire, il faisait juste répéter sans réellement croire en qu'est-ce qu'il disait. Et donc, c'est un exemple de l'importance de la connaissance et de la sincérité. De la sincérité. De ne pas faire des actes ou de ne pas faire des choses juste parce que on répète ou on copie, on imite les gens, mais de le faire par pure conviction et par sincère croyance en ce en quoi on témoigne lorsqu'on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit ce qui suit al aslu al awwal. Donc là maintenant il va parler du premier fondement parmi les trois fondements, ma'rifatur rabb. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Donc qu'est-ce que ça signifie ce passage? Ça signifie que le premier fondement, c'est la connaissance du Seigneur, c'est-à-dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on te demande, qui est ton Seigneur? Tu dis, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a créé et qui m'a élevé et qui a créé tous les autres mondes. Tous les autres mondes et qui les a élevés de sa grâce. Et c'est lui que j'adore. Hein, c'est lui mon ma'boud. Mon ma'boud, c'est-à-dire celui que j'adore. Et je n'ai rien d'autre que j'adore en dehors de lui. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans Surat al-Fatiha, le verset 2. Louange à Allah, hein, toute la louange est à Allah seul, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et il dit ensuite le Cheikh que tout ce qui existe en dehors d'Allah rentre dans le mot alam, c'est-à-dire les mondes. Hein? Alam, c'est le singulier. Alamun ou alamin, c'est le pluriel. Et donc, il y a deux choses qui existent. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'alamun. Al-alamun, c'est qu'est-ce que Allah a créé, tous les mondes que Allah a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Et en dehors de ces deux choses-là, il n'y a rien qui existe. Hein? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala est sa création. Et la création, Allah l'a créée à partir de rien. Hein? Et donc, moi, je fais partie, je suis une de ces créatures. Un de ces mondes que Allah a créé. Donc c'est ça ce que le Cheikh explique ici. Puis là il donne, Cheikh Ubaid, il va expliquer ce passage là aussi. Il dit: Ma'rifatu Rabb taqtadi al-iman bih wal-iman bima yastahiquhu min al-ibadati al-khalisati wal-asma'i al-husna was-sifat al-ula. Wa bada'a al-Sheikh bihi li'annahu aslu al-usul wal-rabbu يطلق على المالك والسيد والمعبود ولا تجتمع كلها إلا في الله عز وجل. المخلوق قد يكون ربا بمعنى سيدا أو بمعنى مالك وسيد، ولكن لا تجتمع مع المعبود إلا الله سبحانه وتعالى. فهو المالك السيد المعبود الذي له الخلق والأمر شرعا وقدرا وملكا واستحقاقا وتدبيرا وتصريفا وتصريفا. Donc qu'est-ce qu'il explique le Cheikh? Il explique que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique d'avoir la foi en lui. Donc c'est pas juste de le connaître comme ça puis ça s'arrête là. Non, ça s'implique d'avoir la foi en Allah. Et la foi, c'est-à-dire de croire également en ce qu'il a, hein, comme mérite, un mérite exclusif et pur de l'adoration. Donc de croire que c'est lui seul qui mérite l'adoration pure et sincère. Et de croire également que c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms et les attributs élevés. Et également, le Cheikh, il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a débuté par la connaissance du Seigneur, la connaissance de Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est la base de la base. Connaître Allah, c'est la base de la religion. Et le terme Rabb, le terme Rab en arabe, on l'utilise pour désigner le propriétaire, le maître et celui qui est adoré. Tandis que quand on réunit ces significations-là ou ces emplois du terme Rab dans leur signification qu'on vient de mentionner, c'est uniquement quand on parle d'Allah qu'elles peuvent être réunies, ces significations-là. Toutefois, si on parle d'une créature, on peut dire à propos de quelqu'un parmi les êtres humains que c'est, par exemple, on va dire Rabbul Bayt, Rabbul Usra. En arabe, on a le droit de dire ça. Par exemple, le maître de la maison, le maître de la famille ou le chef de la famille. On peut dire ça en arabe, on peut utiliser le terme Rab, employé de cette façon pour désigner quelqu'un quand il est maître de la maison, maître de la famille et ainsi de suite. On dit Rabbul Bayt, Rabbul Usra. Hein? Tandis que lorsqu'on l'utilise dans le sens de, par exemple, Al-Ma'boud, celui qui est adoré, là dans ce cas-là, c'est uniquement appliqué et on l'utilise uniquement pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le créateur. On peut dire aussi Sayyid à propos d'un homme, d'un être humain, s'il est le chef d'une tribu ou le chef d'un peuple, on l'appelle Sayyid, hein? Sayyid al-Qawm, Sayyid. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit de lui qu'il est Sayyid, c'est-à-dire dans le sens absolu, qu'il est le maître absolu et le chef absolu et le créateur de toutes choses. D'accord? Donc il y a des choses qu'on peut utiliser par rapport aux des noms comme ça qu'on peut utiliser pour désigner des créatures, mais on les limite, on les délimite dans leur utilisation en disant ou en désignant exactement à le maître de quoi ou yani le chef de quelle chose en particulier. C'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah lui, il est le maître, il est le maître absolu, le seigneur absolu, le propriétaire et le possesseur de toutes choses. Tandis que un être humain peut être malik, il peut être roi, il peut être possesseur de quelque chose, hein, mais son royaume, il est limité. Et sa possession, il est limité. Quand on dit que Allah, il est le malik, il est yani, le malik de tout, sans exception. Et il possède tout, sans exception. Il est le maître de l'univers, il est le maître de la vie d'ici-bas et le maître de l'au-delà. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que si on emploie ces termes-là, Rab, ou Sayyid, ou Malik, pour des créatures, pour désigner qu'ils sont maîtres de quelque chose, ou roi, ou possesseur, ou propriétaire de quelque chose, c'est toujours dans le sens limité pour un être humain. Tandis que dans le sens quand on l'applique pour Allah, c'est dans le sens absolu et total. Et on peut pas l'employer dans le sens de ma'boud, celui qui est adoré, excepté si on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui seul qui est le maître, le propriétaire, le chef, celui qui est adoré, et c'est celui à qui appartient la création et l'ordre. Selon la révélation, selon qu'est-ce qu'il a prédestiné, et dans ce qu'il possède dans l'univers, dans son royaume, et dans le sens que également c'est lui qui le mérite, qui mérite d'être appelé ainsi, et qui a l'exclusivité de ce mérite-là, et c'est lui seul qui contrôle tout et qui gère tout et qui dirige tout dans l'univers. Il dit ensuite wa qawluhu rabbi Allah ay ma'budi kama ruwiya an ibn Mas'ud fi tafsir Allah zul uluhiyya wal 'ubudiyya ala khalqihi ajma'in فلفظ الله والإله من الألوهة بمعنى العبادة فالله مألوه بمعنى معبود. Donc le cheikh explique que le terme Rab, quand tu dis Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, c'est-à-dire ma'boudi. Ma'boudi, c'est-à-dire c'est celui que j'adore. Hein? C'est l'objet de mon adoration, celui que j'adore. Et ça a été rapporté par Abdullah ibn Abbas dans son explication du terme Allah. Hein, quand il a expliqué le nom Allah, il a dit que ça veut dire Zul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. C'est-à-dire celui qui possède le droit exclusif de l'adoration sur toute sa créature, sur toute la création et toutes ses créatures. Donc, quand tu dis Allah, ou quand tu dis Al-Ilah, ou donc Allah ou Al-Ilah, c'est dans le sens de celui, il y en a dans le sens de Al-Uluha, qui veut dire Al-Ibada, qui veut dire l'adoration. Donc, Allah, ça vient de Al-Ma'lou. Hein, Al-Ma'lou, celui qui a Al-Uluha, et donc, c'est-à-dire celui qui est adoré, celui qui est ma'boud. Les ulama ils disent la racine du mot Allah, ça vient du verbe alaha ya'lahu. Alaha ya'lahu, yani qui veut dire abad, yani qui vient du terme ibada. Abada ya'budu. Hein? Ibadatan. à l'ibadah. Et donc, al-uluha ou al-uluhiya, ça veut dire l'adoration. Et quand tu dis ilah ou al-ilah, ça veut dire qu'est-ce que tu adores, une chose adorée, al-ma'boud. Et personne ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est pour ça qu'on dit dans le témoignage la ilaha illallah. Il n'y a pas d'ilah dans le sens qu'il n'y a pas de ma'boud, hein, haqq, qui est véridique et qui est vérité et qui mérite d'être adoré excepté Allah, illallah. La ilaha illallah. La ma'boud haqqun illallah. C'est ça que ça signifie. Et donc ensuite le cheikh il dit Alladhi Rabbani. Donc c'est mon Seigneur, celui que j'adore, lui seul, et qui m'a yani Rabba. Rabba qui vient de Rabba, yani qui c'est la même racine que le terme tarbiya. Tarbiya. Tarbiya qui veut dire l'éducation, mais qui veut dire aussi le fait d'élever, de nourrir, de transformer, de développer, et ainsi de suite. Donc le terme, hein, le terme Rab qui veut dire beaucoup de choses en réalité, et c'est pour ça que lorsqu'on l'interprète Ar-Rububiyya, hein, eh bien on l'explique en disant le maître, le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, celui qui contrôle toutes choses. Tout ça, ça désigne qu'est-ce que signifie le terme Rab. Parce que celui qui est Rab, il fait toutes ces choses-là. Hein? Donc, tarbiyatullah lil mukallafina ala darbayn. Allah subhanahu wa ta'ala, sa tarbiya des créatures et des êtres humains, elle est de deux sortes. Ahaduha tarbiyatun bin ni'am al-maddiya. Ou, naqul, تربية التغذية والإمداد بأصناف النعم المعاش بأصناف نعم المعاش والثاني تربية الله لعباده بما أنزله على رسله من وحيه وهذه التربية الدينية إذن يمكن أن نقول إن تربية الله عباده منها ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني منها ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني والنعم جمع نعمة. Donc le cheikh explique, parce que dans le texte de cheikh Mohammed Abdul Wahhab, lorsqu'il dit, et si on te demande qui est ton Seigneur, il dit mon Seigneur c'est Allah. Celui qui m'a rabba, yani rabbani, il a fait mon éducation, il m'a élevé, il m'a fait grandir, il m'a fait me développer, il m'a fait, yani celui qui m'a créé, celui qui m'a fabriqué, yani celui qui m'a fait, hein, et qui m'a nourri, hein, et qui m'a donné tout ce que j'ai besoin comme subsistance et ainsi de suite. Alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin bini'amih, et qui a également fait de même avec tous les mondes par ses grâces. Et le cheikh explique, cheikh Ubaid hafizahullah, il explique que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait, comment il s'est occupé de sa création et comment il les a élevés, c'est de deux catégories. Celle qui est reliée aux besoins matériels de la création, donc il s'est occupé de sa création, il les a nourris, il les a fait se développer en leur donnant toutes ces grâces matérielles, donc en les nourrissant et en leur donnant leur subsistance et en leur donnant ce qu'ils ont besoin pour vivre, comme la nourriture et autres. Et l'autre catégorie d'éducation qu'il nous a donnée, et l'autre façon de laquelle il s'est occupé de nous, et qu'il nous a donné qu'est-ce qu'on a de besoin pour nous développer, c'est par rapport à ce qu'il a révélé à ses messagers comme révélation. Et ça, c'est l'éducation religieuse. hein, l'éducation religieuse. Donc on peut dire que l'éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs est de deux catégories. Celle qui est l'éducation par rapport aux affaires de la vie et l'éducation par rapport aux affaires de la religion. Et donc, tout ça, ça fait partie des grâces d'Allah. Et on dit en arabe « ni'ma » au singulier, et le pluriel de « ni'ma » c'est « ni'am ». Ni'am. Donc le cheikh il dit ensuite wa rabba jami' al-alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu. C'est-à-dire et c'est lui que j'adore seulement et je n'ai aucune chose que j'adore en dehors de lui. Wa huwa ma'budi, c'est-à-dire Ma'boud, c'est selon le modèle du nom ou du mot maf'oul. Maf'oul qui dit celui qui subit l'action. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui reçoit l'adoration qu'on lui donne. Donc, nous, on est les adorateurs et il est celui qui est adoré. Et donc, il est al-ma'boud. Et quand tu dis huwa ma'boudi, c'est-à-dire c'est celui que j'adore. Laysa li ma'boudun. Siwahu, je n'ai pas rien d'autre que j'adore en dehors de lui. Ok. Et il dit wahada huwa. Il dit hada huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah wa sihhatu la ma'buda bihaqqin siwahu aw la ma'buda haqqun illallah. Donc, le cheikh explique que quand on dit huwa ma'boudi laysa li ma'boudun siwahu, en réalité, c'est comme si tu disais la ilaha illallah. Huwa ma'boudi laysa li ma'boudun siwahu, c'est-à-dire c'est lui que j'adore et je n'ai rien d'autre que j'adore en dehors de lui, c'est la même signification que de dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la ilaha illallah, c'est ce que ça signifie. La ilaha illa Allah. Donc tu dis la ilaha, c'est-à-dire il n'y a pas de ma'boud, il n'y a pas d'être qui mérite d'être adoré. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas le traduire de cette façon. C'est ça que les gens qui ont fait l'erreur de traduire la parole du tawhid ou le témoignage de la ilaha illallah en disant il n'est de Dieu que Dieu, c'est totalement incorrect. Puisque tu ne peux pas dire ça. Hein? Premièrement, c'est incorrect de dire la ilaha illallah dans le sens en français quand tu le traduis de dire il n'est de Dieu que Dieu. C'est incorrect de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dieux, beaucoup de divinités qui existent. Il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de divinités qui existent sur terre. La preuve, c'est que parmi les êtres humains, il y a plein d'hommes qui adorent des milliers de différentes divinités et qui prennent en dehors d'Allah des différentes dizaines et des centaines et des milliers de dieux différents. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'autre dieu que Allah? Oui, il y a d'autres dieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, pour expliquer le sens réel de la ilaha illallah, il faut le comprendre dans le sens, comme les ulama l'ont expliqué, qu'il y a des divinités qui existent en dehors d'Allah. Mais il n'y en a aucune d'entre ces divinités-là, parmi les choses que les êtres humains adorent en dehors d'Allah, qui méritent réellement d'être adorées. C'est-à-dire que oui, elles sont adorées par les êtres humains. Et c'est vrai qu'il y en a des divinités, mais ce sont des divinités fausses. Pourquoi? Parce qu'elles ne méritent pas d'être adorées. Et la raison pour laquelle elles ne méritent pas d'être adorées, c'est parce qu'elles ne possèdent pas les noms d'Allah de perfection, et les attributs de perfection d'Allah. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est Allah. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a les noms les plus parfaits et les attributs les plus élevés. Et c'est seulement celui qui possède ces noms et ces attributs-là qui mérite l'adoration. Toute autre chose qui serait adorée par les êtres humains en dehors d'Allah, eh bien, elle ne mériterait pas d'être adorée. C'est comme si quelqu'un décidait, par exemple, d'adorer un objet, comme cet objet-là, par exemple. Hein? Puis il dit, ça c'est mon Dieu, et qu'il pense que ça, ça peut le protéger, ou que ça a un pouvoir. Hein? Il pense qu'il peut lui offrir des prières, et lui demander des choses. Et donc, il dit, c'est ça mon Dieu. Hein? Si quelqu'un lui dit, c'est ça mon Dieu, tu vas lui dire, ouais, mais cette chose-là, elle ne mérite pas d'être adorée. Parce que premièrement, elle peut rien créer. Et elle est créée elle-même. Hein? Comment donc, si elle n'est même pas capable de créer quoi que ce soit, comment donc pourrait-elle être Dieu? Ou pourrait-elle mériter d'être adorée? Elle ne peut pas créer rien d'autre. Et elle est elle-même créée et fabriquée par quelqu'un. Donc, elle ne mérite pas d'être adorée. Et non seulement ça, elle n'entend pas, elle n'entend rien. Hein? Elle, si je la prends puis je la détruis, cet objet, elle ne peut pas se protéger elle-même, encore moins protéger quelqu'un d'autre. Et tu peux comparer cet objet à n'importe quelle autre statue ou idole que les mouchriquines adorent en dehors d'Allah. Hein? Tu peux la prendre, la jeter, tu peux même la mettre dans les saletés, dans la poubelle, elle ne peut rien faire pour t'empêcher. Donc, ça, c'est des exemples qui montrent que elle ne peut pas être Dieu. Hein? Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais sinon, tu peux prendre un exemple, même par un être humain. Un être humain, il a besoin, il a des besoins, il faut qu'il mange. Il a des besoins, il faut qu'il ait, après avoir mangé, il faut qu'il ait faire sortir les déchets de son corps, parce que sinon il peut mourir. Hein? Il faut qu'il dorme, parce que s'il ne dort pas, il peut également mourir, il a besoin de se reposer. Il faut qu'il y respire, s'il cesse de respirer, il va mourir. Quoi d'autre? Il faut qu'il boive de l'eau. Hein, ou quelque chose pour rester en vie, sinon il va mourir. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun besoin de quoi que ce soit et de rien. Il se suffit à lui-même. Donc déjà ça, tout ça, c'est des preuves que toute personne qui a besoin de manger, qui a besoin de dormir, qui a besoin de faire sortir les déchets de son corps, qui a besoin de faire ces choses-là que les créatures vivantes ont besoin de faire, elle ne peut pas être considérée comme étant Dieu. Elle ne mérite pas d'être adorée. Même si des hommes l'adorent en dehors d'Allah, comme ils adorent Jésus, comme ils adorent Marie, comme ils adorent des saints ou des tombes, mais ils ne méritent pas d'être adorés parce que ce sont des créatures créées par Allah. Le seul qui mérite d'être adoré comme ça, c'est celui qui a tout créé. Et si vous regardez, par exemple, dans Surat Al-Furqan, dans les premiers versets dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des arguments comme ça pour montrer aux mushrikin que qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. C'est pas fondé, c'est pas supporté par la raison. Et il dit, par exemple, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Il dit, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant. Donc, il nie qu'il a un enfant et c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui n'a point d'associé dans son royaume. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de fils ou de fille ou quoi que ce soit, et il n'a pas de partenaire ou d'associé dans son royaume. Wa khalaqa kulla shay'in. Il a créé toute chose en lui donnant sa juste proportion. Wa qaddarahu fa qaddarahu taqdira. Après, il dit: wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluqun. Hein? Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. C'est-à-dire, et ils ont adopté en dehors de lui des divinités. Donc c'est la preuve qu'il y en a des divinités. Hein? Des hommes, ils en ont pris des divinités. Mais il dit, ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien. C'est-à-dire, elles ne peuvent rien créer, ces divinités-là. Et elles ne possèdent la faculté de faire ni le bien, ni le mal pour elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas se profiter elles-mêmes, et elles ne peuvent pas profiter à d'autres, et elles ne peuvent pas non plus nuire. Elles ne peuvent pas profiter à elles-mêmes ou à d'autres, et elles ne peuvent pas nuire à elles-mêmes ni à d'autres. Hein? « Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an »« Wala yamlikuna mautan » Ils ne sont pas maîtresses ni de la mort, wala hayatan, ni de la vie, wala nushura, ni de la résurrection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit lui-même dans le verset avant, le verset 2, il mentionne ses qualités et ses caractéristiques, et comment il n'a besoin de rien, et comment il n'a pas d'associé, et comment tout lui appartient dans les cieux et sur la terre, et qu'il ne partage rien, pas même un atome avec quiconque en dehors d'Allah, dans la création, et que c'est lui qui a donné à chaque chose sa proportion. Et dans le deuxième verset ensuite, dans le suivant, le verset 3, il détruit tout ce qui a rapport avec les choses que les hommes adorent en dehors d'Allah, en mentionnant que ce sont des choses qui sont elles-mêmes créées, et qui ne peuvent rien créer, et qui ne détiennent le pouvoir de ni de nuire, ni de profiter, ni à elles-mêmes, ni à d'autres. Et qu'elles ne détiennent pas le pouvoir ni de faire mourir, ni de faire vivre, ni de faire ressusciter quoi que ce soit. Donc comment quelqu'un peut mettre sa confiance en quelque chose qui est aussi faible que ça? Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la signification de la ilaha illallah, dans le sens que ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ma'abouda haqqun illallah. Si tu dis la ma'abouda illallah, ça ne veut pas dire quelque chose qui est vrai. Si tu dis « La ma'bouda illallah », tu dis « Il n'y a rien qui est adoré excepté d'Allah », c'est faux. C'est faux dans deux sens. C'est faux dans le sens que si tu le prends dans le sens de dire « Il n'y a rien qui est adoré excepté d'Allah », c'est faux dans la réalité, dans le sens concret, parce que ça contredit qu'est-ce qu'on constate dans la réalité. Ça contredit la réalité de qu'est-ce qui existe dans le monde actuel. Si tu dis « il n'y a rien qui est adoré excepté d'Allah, excepté Allah », c'est faux. Puisque tu vois les hindous qui adorent des milliers de dieux, tu vois les bouddhistes qui adorent des statues, tu vois les chrétiens qui adorent des croix, et qui adorent des images, et qui adorent des saints, et qui adorent Marie et Jésus et tous les anges. Donc tu vois ça, donc tu sais tout de suite que c'est faux. Que c'est pas correct de dire qu'il n'y a pas de chose qui est adorée excepté Allah. Et c'est faux dans l'autre sens aussi, si quelqu'un le prend dans le sens contraire, de dire que tout ce qui est adoré, c'est Allah. Comme les soufis qui croient en Wahdatul Wujud. Ils disent, il n'y a rien qui est adoré dans le monde excepté Allah. Dans le sens que tout ce qui existe, c'est Allah. Donc ils croient dans le sens que, bon, tout ce que tu peux adorer dans l'univers, c'est une manifestation de Dieu, donc c'est Dieu que tu adores. Même si tu adores des idoles, même si tu adores des choses, c'est Dieu. Donc, on voit que leur interprétation est totalement erronée aussi. Et les ulama ont dit que ça, c'est une croyance de kufr, la croyance en wahdatul wujud. Et c'est pour ça que les ulama ont dit, non, la signification, quand tu dis « La ilaha illallah », ça ne veut pas dire « Il n'est de Dieu que Dieu ». Ça veut dire il n'est de Dieu qui mérite d'être adoré. Hein, il n'y a rien, il n'y a pas de divinité qui mérite réellement d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur et le maître de toutes choses. Hein? Donc on dit « La ma'bouda bihaqqin illallah » ou « La ma'bouda haqqun illallah ». Et c'est là que, quand on a compris cette réelle signification du tawhid, que c'est là qu'on comprend réellement l'importance et le poids et la force de ce témoignage. Parce qu'on est en train d'affirmer que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, et que c'est seulement l'adoration d'Allah qui est vraie et qui est valable. Et, alhamdulillah, le cheikh il dit ensuite, « Wal ayatul karima, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamduhu wa sana'u ala Allah, subhanahu wa ta'ala. » وموجب الحمد نعمه الظاهرة والباطنة والحمد يفرق بينه وبين الشكر فالحمد يكون على النعمة والمصيبة والشكر لا يكون إلا على النعمة والحمد يكون باللسان فقط والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. Donc le cheikh explique que الحمد, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit الحمد لله Rabbil Alamin? Souvent on apprend à dire aux enfants Surat al-Fatiha depuis qu'ils sont très très jeunes, et ils disent Alhamdulillah Rabbil Alamin, et avant, après avoir terminé de manger, ils disent Alhamdulillah, et tu leur demandes par la suite qu'est-ce que signifie Alhamdulillah, et ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça signifie réellement, ils ne font que répéter. Et le cheikh explique que الحمد هو الثناء على الله. الحمد ça veut dire que tu fais l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu mentionnes la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu mentionnes la gloire et que tu fais l'éloge de quelqu'un, ça c'est parce que cette chose ou cette personne que tu glorifies, hein, et dont tu fais l'éloge, elle a des grâces apparentes et cachées. Hein, quand tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu fais sa louange et que tu mentionnes sa gloire et que tu mentionnes sa louange, eh bien c'est parce qu'il a fait beaucoup de choses de bonnes pour toi, des choses qui sont bonnes et des grâces qu'il t'a données qui sont apparentes, hein, tu peux les voir, et d'autres qui sont cachées parce que elles sont parfois intérieures, hein, elles sont intérieures. Et alhamdu, la différence entre alhamdu wa shukru, c'est pas la même chose. Alhamd, ça veut dire de faire l'éloge et de faire, yani, de mentionner la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que ashukru, c'est la reconnaissance envers Allah et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu dis alhamdu, ça peut être pour des choses qui sont des grâces, ou même parfois pour des malheurs, ou même des choses mauvaises qui t'arrivent, tu remercies Allah en faisant sa louange et en faisant son éloge. Pourquoi? Parce que tout ce qui t'arrive, c'est toujours bien, même si ça peut paraître mal. Hein? Tu fais parfois un accident, il t'arrive quelque chose, tu tombes malade, tu dis Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, dans toutes les circonstances et dans tous les cas, dans toutes les situations et dans tous les états, tu dis Alhamdulillah, louange à Allah, pour tout ce qui peut t'arriver. Tandis que Ash-Shukr, c'est seulement pour la grâce. Ash-Shukr, c'est seulement pour la grâce, et en même temps aussi, Alhamdu, c'est seulement par la langue que tu peux le faire. C'est-à-dire, Alhamdu, c'est seulement la gloire que tu peux faire avec Allah par ta langue, en mentionnant sa louange. Alhamdulillah. Hein? Tandis que, Ash-Shukru, c'est pas seulement avec la langue, mais c'est avec la langue, avec le cœur et avec le corps. Hein? Et donc, quand tu fais des actes d'adoration, tu remercies Allah. C'est une forme de remerciement. Quand tu fais tes salawats, quand tu fais ton jeûne, quand tu fais tes actes d'adoration, tout ça c'est des formes de reconnaissance et de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'un côté, Alhamd, il est plus général, parce que tu le dis pour les grâces et tu le dis pour les malheurs aussi. Donc, dans ce sens-là, Alhamd, il est plus large, plus général. Sauf qu'il est limité à la langue. Tandis que Ash-Shukr, c'est plus spécifique parce que c'est uniquement fait pour les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que c'est plus général dans le sens que tu le fais avec ta langue, avec ton cœur et avec ton corps. Hein? Et donc, ça c'est pour expliquer. Il dit, قال الشاعر أفادتكم النعمة مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. Donc il donne un vers de poésie qui témoigne du fait que tu peux être reconnaissant envers Allah et mentionner le remerciement et la reconnaissance envers Allah par ta langue, par ton cœur et par ton corps, par tes actions. Et le cheikh il dit yadi min al jawarih wal lisan al qawl wad damir al muhjaba al qalb. Donc il explique les points qui sont mentionnés dans le vers en question. Après il dit fal insanu yaqulu bin lin ni'ami alayhi shakara Allahu lak. Hein, yaqul fal insan yaqulu lil mun'imi عليه شكر الله لك جزاك الله خيرا فهذا باللسان وقد يمد يده ويصافحه ويصافحه وكذلك يستشعر بقلبه أنه أنعم عليه وبدأ الله عز وجل أربع سور غير الفاتحة بالحمد لله يعني بالحمد متبعا ذلك بموجب الحمد فهذه الآية موجب الحمد ربوبيته لله أو ربوبيته الله سبحانه وتعالى لعباده أو ربوبية الله لعباده ربوبيته لعباده. Donc le cheikh il dit الحمد لله رب العالمين. On le retrouve dans plusieurs versets. Il dit, il y a quatre versets en dehors de la Fatiha qui commencent par Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Il dit que en ce qui concerne le remerciement, Ash-Shukr, eh bien, l'être humain, il le dit à la personne, quand la personne lui fait un bien, quelqu'un te fait un bien, tu dis que Allah te remercie. Shakar Allahu lak. Ou bien tu dis Jazak Allahu khayran. Que Allah te récompense en bien ou en meilleur. Et ça, c'est avec la langue. Et peut-être que tu vas lui serrer la main. Ça, c'est avec un geste avec le corps. Et dans ton cœur, tu ressens cette grâce que tu as reçue. Donc ça, c'est un exemple. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a débuté plusieurs sourates dans le Coran. Il mentionne quatre. Quatre sourates dans le Coran en dehors de la Fatiha qui commence par Alhamdulillah. Et qui mentionne par la suite la cause qui a été mentionnée pour cette glorification que Allah a mentionnée de yani, qu'est-ce qui a fait que il mérite cette louange. Il le mentionne dans les sourates en question et il va les énumérer. Il dit fama sour al-ukhar al-arba' al-ula al-an'am أولها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فوجب الحمد خلق السماوات والأرض موجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Donc la première sourate en dehors de sourate al-Fatiha qui commence par Alhamdulillah, c'est le verset 1 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Puis, ceux qui ont mécru donnent des échos à leur Seigneur. Hein, » ou bien mettent à leur Seigneur ou donnent à leur Seigneur des échos. Qu'est-ce qui fait que ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la louange. Il mentionne qu'il mérite la louange du fait qu'il a créé les cieux et la terre, et qu'il a créé les ténèbres et la lumière. Le deuxième exemple, c'est dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وموجب الحمد فيها إنزال الله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب الهادي المستقيم. Donc le deuxième verset, c'est dans sourate Al-Kahf, le premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Louange à Allah, celui qui a descendu ou qui a fait descendre sur son serviteur le livre et qui n'y a laissé ou qui n'y a mis aucune tortuosité. » Naam. Et donc, qu'est-ce qui a été l'indication de cette louange dans le verset en question? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le livre sur son messager, qui est un livre qui est un guide et qui est un livre qui est droit. Hein? Le verset numéro 3, ou la troisième sourate dans laquelle il y a la mention de Alhamdulillah, c'est sourate Saba. Sourate Saba qui commence en disant Alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah. وهو الحكيم الخبير. Qui signifie donc louange à Allah, celui qui détient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il a la louange dans l'au-delà, et il est le sage et le bien informé, ou le parfaitement informé. Et qu'est-ce qui indique ici cette louange? C'est le fait qu'il détient et qu'il possède les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux. Mujibu al-hamd mulkuhu lis-samawati wal-ard wa ma fihima. Et ar-rabi'a c'est yani wal-akhira yani fatir, sourate Fatir, yaqulu fiha alhamdulillahi fatir as-samawati wal-ard ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thalatha wa ruba'. Bon, ça c'est le verset dans sourate Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala dit louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait des anges yani, avec deux ailes, trois ailes ou quatre yani, et il augmente sa création, dans sa création comme il veut. Donc ça c'est les quatre versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala commence en mentionnant Alhamdulillah, et il dit Mujibu al-hamd fi surat Fatir, yani kawnuhu fatiru al-samawati wal-ard wa ja'ala al-malaikati rusulan, amma dhikru al-hamd fi thanaya al-Qur'an yazidu ala 40 mawdi'an. Donc il mentionne dans ce dernier verset sa gloire. Pourquoi? Par le fait qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il a créé des anges comme messagers. Et il dit dans l'explication du terme al-alamin, tafsirun lil-alamin bi-alam, hadha sahih. Jam'u alam wal-alam ou al-alamin la mufrada lahu min lafzihi. مثل الأهلين لا مفرد له من لفظه والعوالم وهي جميع المخلوقات من سماوات وأرض وملائكة وإنس وجن ودواب كلها عوالم فهي مدينة لله عز وجل خاضعة لسلطانه وهي Malikuha wa musrifuha wa ilahuha. Donc, le cheikh explique pour terminer que l'explication du cheikh quand il mentionne al-alamin, c'est vrai que c'est le pluriel du mot alam. Et alam, il dit qu'il n'a pas de singulier. C'est un mot qui n'a pas de singulier. Comme le mot ahlin ou ahloun. Il n'y a pas de singulier dans la même forme. Et donc, al-awalim, c'est le pluriel C'est le pluriel pour désigner toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, comme les anges, les êtres humains, les djinns, les bêtes, les animaux. Tout ça font partie des différents mondes, hein, ou bien al-awalim. Et donc, c'est les exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et elles sont toutes soumises à sa puissance, et c'est sa possession, son domaine, et c'est lui le maître, et c'est lui qui contrôle tout dans cette création, et c'est lui celui que toute chose adore. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته